Sa clare son doué sa vie ou comme guide nan tout sa wa fè nan fi sa ou j'ai pi pouè pou m'expliquer la figure ma qui est bien campée pas ça seulement qui compte malak sot rivèn karive nan bien compte mal calculé bel manje pati bon goût vin goûte ou j'ai pi pouè pou vin tande yon parol pi parler français approché ça parler la sévérité et puis pas faire la balle on pas dire capable on va chez eux en fait et dans nos détails non est au bis peut arriver tout monde bien frère jazz l'a déposé moi bien pensé m'a contrôlé. En pile bel monde qui a défilé. En pile temps pot qu'on passe. Yon bel bébé vin approché. Li te mande m'danse. Rive sous pis la ma bien blogué. Yon bon zami m'di m'gen danger. Mon cher j'étais au bien vie. Pas bloqué. Allo Fred. Comment va y a grâce la continue de ce déjà papa. Patrick Rémy Salesman. G-A-B-E-L Gabel. J'aime tomber sous d'eau. Et puis, si l'inette fait sa feu. Gardons fille à l'eau. Whispers, dude pointing fingers from across the bar. They don't know that she's a porno star. Black cherry steady freaked in the back of the car. She's all around the world, don't make it your main girl. No diamonds, no money, no rub. All the fellas know her in the club. She's easy, she be giving it up. Catalog, I'm trying to tell you what's up. Say what? Dame qui t'aime qu'on va marcher. T'as qu'on vie privée, jazz là. Dis-moi tout. We still love you, baby. Manichi, voilà baba, four boy. Fais-moi la dalle baba. Who's next? Maybe you. Faut qu'on pour qu'à connaître. Eh, faut qu'on pour qu'à connaître. I love Gabelle.